I'm out of time. Galaxy Live. Thank you. Party Live. Thank you. Sushi Live. We'll be right back. Galaxy Live. Live. Thank you. Live. Avec un instant le mix de DJHS, voilà ce que ça fait un DJHS dans une boîte archi blindée. Vous étiez certainement présent lors de cette soirée, c'était à l'Escape Concept lors de la soirée So Retro numéro 3 avec HS au platine pour un mix inédit. D'ailleurs, si vous êtes toujours fan de rétro et que vous voulez éventuellement réécouter les mix de ces invités, eh bien rendez-vous jeudi soir dans l'émission de Tony à partir de 20h jusqu'à 21h, même procédé, sauf que là on ira dans la petite salle avec Huggy Anton et puis Manu Kenton. Ce sera donc ce jeudi soir à partir de 20h jusqu'à 21h. Et puis bien sûr, nous on se donne rendez-vous semaine prochaine pour un autre mix. Il est 21h passé de une petite minute. Voici tout de suite Nicolas pour l'émission Trip in Progress.